Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 115. De l'action de la créature corporelle. Activité des corps, les causes séminales, influence des corps célestes, ils ne sont pas la cause de nos actes volontaires, leur action sur les démons, tout n'arrive pas par nécessité. 1. Y a-t-il des corps actifs? Nous ne saurions partager l'avis de certains philosophes qui prétendent que l'activité des corps vient d'une puissance spirituelle dont ils sont pénétrés. Nous admettons qu'il y a des corps actifs par eux-mêmes. Est-ce que le feu ne déploie pas une grande activité à l'égard des objets qu'on lui présente? 2. La matière corporelle contient-elle des raisons séminales? Saint Augustin dit, les raisons séminales de toutes les choses corporelles qui naissent et se produisent devant nos yeux, sont cachées dans les éléments matériels de ce monde. Il appelle raisons séminales les vertus actives et passives qui servent de principe à la propagation et aux transformations des êtres matériels. Ces principes, germes ou vertus, sont d'abord dans le Verbe, qui est la pensée de Dieu, comme dans leur type primordial, ils sont ensuite dans les éléments de ce monde comme dans leur cause universelle, ils sont enfin dans les choses successivement produites et dans les semences elles-mêmes, comme dans leur cause particulière. Note. Ces vertus sont appelées raisons, parce qu'elles émanent des raisons typiques renfermées dans la pensée de Dieu, et non pas parce qu'elles se trouvent dans la matière corporelle, où elles existent de différentes manières. Ce sont ces principes qui servent parfois aux démons pour produire certains effets extraordinaires, car les vrais miracles ont lieu en dehors des raisons séminales. Fin de la note. 3. Les corps célestes sont-ils la cause de ce qui se passe ici-bas dans les corps inférieurs? Les corps célestes peuvent être regardés comme la cause des mouvements variés et multiformes des corps inférieurs. Tout ce qui engendre dans ce monde inférieur leur sert en quelque sorte d'instrument. La lumière du soleil, dit saint Denis, contribue à la génération des choses sensibles, et même à la vie, elle nourrit, elle fait croître, elle perfectionne. C'est ce qui faisait dire aux stagirites que l'homme engendre l'homme avec le concours du soleil. Note. Ceux qui prenaient les corps célestes pour des dieux, les regardaient comme la cause première de la génération et de la corruption des corps inférieurs, mais ils ne sont la cause première de rien. Leurs influences se modifient diversement dans les corps inférieurs selon les diverses dispositions qu'elles y rencontrent. Fin de la note. 4. Les corps célestes sont-ils la cause des actes humains? Si l'intelligence et la volonté de l'homme étaient entièrement dépendantes des organes corporels, les corps célestes seraient la cause de nos actes, car conduits par l'instinct, comme les animaux, nous n'aurions point le libre arbitre. Nos actions seraient déterminées comme toutes les choses naturelles. Il n'en est rien. Mais il faut reconnaître néanmoins que les corps célestes peuvent avoir sur notre intelligence et sur notre volonté une action indirecte et accidentelle, en tant que ces deux facultés reçoivent les impressions des puissances inférieures, qui sont attachés aux organes extérieurs. Note. L'influence des corps célestes est plus sensible sur l'intelligence que sur la volonté. Un homme, par l'effet seul de l'atmosphère, peut perdre la faculté de penser, à cause de la relation nécessaire de l'intelligence avec les puissances inférieures qui lui fournissent ses images. La volonté, qui est la cause prochaine des actes, ne subit pas la même nécessité du côté de l'appétit sensitif, elle a toujours le pouvoir d'en suivre les impressions ou de leur résister. Aussi les astrologues eux-mêmes disent, Le sage domine les astres, en dominant ses propres passions. Fin de la note. 5. Les corps célestes ont-ils de l'influence sur les démons? Quelques auteurs ayant remarqué que les démons tourmentent selon les phases de la lune certains hommes, auxquels, pour cela même, on a donné le nom de lunatiques, en ont conclu que les démons eux-mêmes subissent l'influence des corps célestes. Cette opinion est fausse. Les démons sont des substances intellectuelles qui, exemptes de matière, ne sont soumises à l'action des corps célestes ni directement, ni indirectement. Note. Si ces esprits de malice tourmentent les hommes selon les diverses phases de la lune, c'est tout pour outrager dans cet astre une œuvre de Dieu, ou parce qu'ils trouvent, à ces époques, le cerveau plus disposé à recevoir leur action. Pour des raisons semblables, ils obéissent à l'appel des nécromanciens, qui les invoquent sous certaines constellations. S'ils sont attirés par certains genres de pierres, de plantes, de bois, d'animaux, de chants et de rites, c'est que les hommes entendent leur rendre par ces signes les honneurs divins dont ils sont très jaloux. Fin de la note. 6. Les corps célestes imposent-ils la nécessité aux corps soumis à leur influence? Quoique l'influence des corps célestes produise certaines inclinations dans les natures corporelles, elle n'entraîne pas nécessairement la volonté humaine, avons-nous dit. Rien n'empêche, conséquemment, que l'action de notre volonté n'en arrête les effets, non seulement en nous-mêmes, mais encore dans toutes les choses auxquelles la volonté de l'homme peut s'étendre. Pour ce qui est des choses naturelles, il n'est pas vrai non plus qu'une cause quelconque étant posée, l'effet suive nécessairement. Il est telle cause qui doit produire le plus souvent son effet, mais non pas toujours, ni d'une manière nécessaire, certains accidents pouvant arrêter son action. Il en est ainsi des corps célestes. Leur vertu, qui n'est pas infinie, exige certaines conditions dans la matière, soit pour la distance, soit par rapport à d'autres choses soumises à des accidents divers. Il en résulte qu'ils n'imposent pas toujours la nécessité aux corps naturellement soumis à leur influence. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.